Chapitre 10. Quand nous eûmes déjeuné tous deux dans l'auberge la plus comme il faut, nous trouvâmes que la matinée d'hiver avait fait place à une belle journée de mai. Dans les petites rues solitaires, des branches de lilas, des grappes de glycines, des digitales roses que personne n'avait semées, égayaient les murs gris. Il y avait du vrai soleil, et tout sentait le printemps. Et Yves regardait partout, s'étonnant qu'aucun souvenir ne lui revînt de sa petite enfance, cherchant très loin dans sa mémoire, ne reconnaissant rien, et alors peu à peu se trouvant désenchanté. Sur la grande place de Saint-Paul, la foule du dimanche était assemblée, et c'était comme un tableau du Moyen-Âge. La cathédrale des anciens évêques de Lyon dominait cette place, l'écrasait de sa masse aux dentelures noires, y jetant une grande ombre des temps passés. Autour, il y avait des maisons antiques à pignons et à tourelles. Tous les buveurs du dimanche, portant de travers leurs feutres larges, étaient attablés devant les portes. Cette foule en habit breton, qui était là vivante et alerte, était encore pareille à celle des anciens jours. Dans l'air, on n'entendait vibrer que les syllabes dures, le ya septentrional de la langue celtique. Yves passa assez distrait dans l'église, sur les dalles funéraires et sur les vieux évêques endormis. Mais il s'arrêta tout pensif à la porte, devant les fonts baptismaux. « Regardez, dit-il, on m'a tenu là-dessus, et nous devions demeurer tout près d'ici. Ma pauvre mère m'a souvent dit que, le jour de mon baptême, quand on lui a fait ce vilain affront de ne pas sonner pour moi, vous savez bien, de son lit, elle avait entendu chanter les prêtres. » Malheureusement, Yves a négligé de prendre à plusieurs ailes auprès de sa mère les indications qu'il nous aurait fallu pour retrouver cette maison où il demeurait. Il avait compté sur sa marraine, nommée Yvonne Kergaouk, qui devait habiter précisément sur cette place de l'église. Et en arrivant, nous avions demandé cette Yvonne Kergaouk. On s'en souvenait bien. « Mais d'où venez-vous donc, mes bons messieurs? Elle est morte depuis 12 ans. » Quant au Kermadec, non, personne ne se les rappelait, cela. Il n'y avait guère à s'en étonner. Depuis plus de 20 ans, ils avaient quitté le pays. Nous montâmes au clocher de Kresker. Naturellement, c'était haut, cela n'en finissait plus, cette pointe dans l'air. Nous dérangions beaucoup les vieilles corneilles nichées dans le granit. Une merveilleuse dentelle de pierre grise, qui montait toujours, et qui était légère à donner le vertige. Nous nous élevions là-dedans par une spirale étroite et rapide, découvrant par toutes les découpures du clocher à jour des échappées infinies. En haut, isolés tous deux dans l'air vif et dans le ciel bleu, nous regardions les choses comme en planant. Sous nos pieds d'abord, il y avait les corneilles qui tournoyaient comme un nuage, nous donnant un concert de cris tristes. Beaucoup plus bas, la vieille ville de Saint-Paul, tout aplatie, une foule lilliputienne s'agitant dans ses petites rues grises, comme un essaim de Bulguelnose. À perte de vue, du côté du sud, s'étendait le pays breton jusqu'aux montagnes noires. Et puis au nord, c'était le port de Roscoff, avec des milliers de petits rochers bizarres, criblant de leurs têtes pointues le miroir de la mer. Le miroir de la grande mer bleu pâle, qui s'en allait se fondre là-bas très loin dans la pâleur semblable du ciel. Cela nous amusait d'avoir enfin réussi à monter dans ce Kresker, qui nous avait tant de fois regardé passer au milieu de cette eau infinie, lui planté tranquille, toujours là, inaccessible et immuable, quand nous, pauvres gens de la mer, nous étions malmenés par tous les mauvais vents du large. Cette dentelle de granit, qui nous soutenait en l'air, était polie, rongée par les vents et les pluies des 400 hivers. Elle était d'un gris foncé, à reflets roses. Il y avait dessus par plaque ce lichen jaune, cette mousse du granit qui met des siècles à pousser, et qui jette ses tons dorés sur toutes les vieilles églises bretonnes. Les gargouilles, à laid de figure, les petits monstres aux traits vagues, qui vivent là-haut dans l'air, grimaçaient à côté de nous au soleil, comme gênés d'être regardés de si près, comme s'étonnant en eux-mêmes d'être si vieux, d'avoir essuyé tant de tempêtes et de se retrouver en pleine lumière. C'était ce monde-là qui avait présidé de haut à la naissance d'Yves. C'était ce monde aussi qui de loin en loin nous regardait, avec bienveillance, passer sur la mer, quand nous ne distinguions nous qu'une indécise flèche noire, et nous faisions connaissance avec lui. Yves était toujours très désenchanté pourtant de n'avoir retrouvé aucune trace de son ancienne demeure, ni de son père. Aucun souvenir, pas plus dans la mémoire des autres que dans la sienne. et il regardait toujours à ses pieds les maisons grises, celles surtout qui étaient le plus près de la base du clocher, attendant quelques intuitions du lieu où il était né. Nous n'avions plus qu'une demi-heure à passer à Saint-Paul avant de prendre la diligence du soir. Le lendemain matin, nous devions être de retour à Brest, où notre navire nous attendait pour nous emmener encore une fois très loin de la Bretagne. Nous nous étions attablés à boire du cidre dans une auberge sur la place de l'église, et là encore nous interrogions l'hôtesse, qui était une très vieille femme. Mais celle-ci s'émut tout à coup en entendant le nom d'Yves. « Vous êtes le fils d'Yves Kermadec, dit-elle. Oh, si j'ai connu vos parents, je crois bien. Nous étions voisins dans ce temps-là, monsieur, et même, quand vous êtes arrivé au monde, on est venu me chercher. Mais c'est que vous lui ressemblez à votre père. Ainsi je vous regardais quand vous êtes entré. Vous n'êtes pas encore si beau que lui, dame, quoique vous soyez pourtant un bien bel homme. » Yves, à ce compliment, me jette un coup d'œil, avec une envie de rire. Et puis la vieille femme, très bavarde, se met à lui raconter un tas de choses sur lesquelles un peu plus de 20 années ont passé, et que lui écoute, recueillie et tout émue. Ensuite elle appelle encore d'autres femmes, qui étaient aussi des voisines, et tout ce monde raconte. « Jésus m'a doué, disent-elles, comment cela se peut-il qu'on ne vous ait pas répondu plus tôt? Tout le monde s'en souvient de vos parents, mon bon monsieur. Mais les gens sont bêtes dans notre pays. Et puis quand on voit des étrangers comme ça, pas étonnant qu'on ne soit pas très causeur. » Le père d'Yves a laissé dans le pays le souvenir un peu légendaire d'une sorte de géant, qui était d'une rare beauté, mais qui ne savait faire rien comme les autres. Quel dommage, monsieur, qu'un homme comme ça fût si souvent dérangé. Car il s'est ruiné au cabaret, votre pauvre père. Pourtant, il aimait beaucoup sa femme et ses enfants. Il était très doux avec eux, et dans le pays tout le monde l'aimait, excepté monsieur le curé. « Excepté monsieur le curé, me répéta tout bas Yves, devenu sombre. Voyez-vous, c'est bien ce que je vous ai conté au sujet de mon baptême. » Un jour, il y avait une bataille ici sur la place, en 1848, pour la Révolution. Votre père avait tenu tête tout seul aux gens du marché et sauvé la vie à monsieur le maire. « Il avait un grand cheval, dit l'hôtesse, qui était si méchant que personne n'osait l'approcher, et on se garait aller quand il passait monter sur cette bête. « Ah !» dit Yves, frappé tout à coup, comme d'une image qui lui serait revenue de très loin. « Je me souviens de ce cheval, et je me rappelle que mon père me prenait dans ses mains et m'asseyait dessus quand il était amarré à l'écurie. C'était la première fois que je me souviens de mon père, et que je revois un peu sa figure. Il devait être noir, ce cheval, et il avait les pieds blancs. « c'est cela, dit la vieille femme, noir avec les pieds blancs. C'était une bête terrible, et Jésus m'a doué. Quelle idée pour un marin d'avoir un cheval !» L'auberge est remplie de buveurs de cidre qui font un joyeux tapage de verres et de conversations bretonnes. On forme un peu cercle autour de nous. L'hôtesse a 4 petites filles, toutes pareilles, qui sont jolies à ravir sous leur coiffe blanche. On ne dirait pas des filles d'auberge. C'est le type accompli de la belle race bretonne du Nord. Et puis elles ont l'expression tranquille et réfléchie de ces femmes d'autrefois, que les portraits anciens nous ont conservés. Elles aussi se tiennent près de nous, regardent et écoutent. À notre tour, on nous interroge. Yves répond. « Ma mère habite toujours à Plouerzel avec mes 2 sœurs. Mes 2 frères, Gildas et Goulven, naviguent à la grande pêche sur des baleiniers américains. Moi seul, je navigue depuis 10 ans à l'état. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre pour nous qui voulons aller voir, avant de partir, l'ancienne maison des Kermadec. Elle est là tout près à toucher l'église. » On nous l'indique de la porte, en nous recommandant de demander à entrer dans la chambre à gauche au premier. C'est celle où Yves est né. À côté de la maison, il y a le grand parc abandonné de l'évêché de Léon, où, paraît-il, Yves, quand il était tout petit enfant, allait chaque jour se rouler dans l'herbe avec Goulven. Elle est très haute aujourd'hui, cette herbe de mai, remplie de marguerites et de silènes. Dans ce parc, les rosiers, les lilas, poussent maintenant au hasard, comme dans un bois. Nous frappons à la porte de la maison que ces femmes nous ont indiquée, et ceux qui demeurent là s'étonnent un peu de ce que nous venons demander. Mais nous n'inspirons pas de méfiance, et on nous recommande seulement de ne pas faire de bruit en entrant dans cette chambre du premier, à cause d'une vieille grand-mère qui dort là, et qui est sur le point de mourir, et puis on nous laisse seuls par discrétion. Nous entrons sur la pointe du pied dans cette grande chambre, qui est pauvre et presque vide. Les choses ont l'air de pressentir cette visiteuse sombre qui est attendue. On se demande même si elle n'est pas déjà arrivée, et les yeux se portent avec inquiétude vers Ali, dont les rideaux sont fermés. Yves regarde partout, essayant de tendre son intelligence vers le passé, s'efforçant de se souvenir. Mais non, c'est fini, et là même il ne retrouve plus rien. Nous redescendions pour nous en aller, quand tout à coup quelque chose lui revint comme une lueur lointaine. « Ah, dit-il à présent, je crois que je reconnais cet escalier. Tenez, en bas, il doit y avoir une porte de ce côté-là, pour entrer dans la cour. Et un puits à gauche avec un grand arbre, et au fond l'écurie où se tenait le cheval, aux pieds blancs. C'était comme si une éclaircie se fût faite tout à coup, dans des nuages. » Il s'était arrêté sur ses marches, et les yeux graves, il regardait par cette trouée qui venait de s'ouvrir subitement sur le passé. Il était très saisi de se sentir aux prises avec cette chose mystérieuse qui est le souvenir. En bas, dans la cour, nous trouvâmes bien tout comme il l'avait annoncé, le puits à gauche, le grand arbre et l'écurie. Et Yves me dit avec une sorte d'émotion de frayeur, en se découvrant comme sur un tombeau. « Maintenant je revois très bien la figure de mon père. Il était grand temps de partir et la diligence nous attendait. Tout le temps que nous mîmes à traverser la lande couleur d'or, pendant le long crépuscule de mai, nos yeux se fixèrent sur le clocher à jour qui s'éloignait, qui se perdait là-bas au fond de l'obscurité limpide. Nous lui faisions nos adieux, car nous allions partir le lendemain pour des mers très lointaines, où il ne pourrait plus nous voir passer. « Demain matin, disait Yves, il faudra que vous me permettiez d'entrer de bonne heure dans votre chambre à bord pour écrire sur votre bureau. Je voudrais raconter tout cela à ma mère avant de partir de France. » Et tenez, je suis sûr que les larmes lui viendront dans les yeux quand on lui lira ma lettre. Chapitre 11. Juin 1875. C'était par le 20e parallèle de latitude, dans la région des Alizés, un matin vers 6 heures. Sur le pont d'un navire qui était là tout seul, au milieu du bleu immense, un groupe de jeunes hommes se tenait, le torse nu, au soleil levant. C'était la bande d'Yves, les gabiers de Misaine et ceux du Beaupré. Ayant tous attachés sur leurs épaules leurs mouchoirs, qu'ils venaient de laver, ils restaient gravement le dos au soleil pour le faire sécher. Leurs figures brunes, leurs rires, avaient encore une grâce jeune d'enfant. Leur dandinement, la façon souple et moelleuse dont ils posaient leurs pieds nus, avaient quelque chose du chat. Et tous les matins, à cette même heure, à ce même soleil, dans ce même costume, ce groupe se tenait sur ces mêmes planches qui les promenaient, insouciant, au milieu des infinis de la mer. Ce matin-là, ils discutaient sur la lune, sur son visage humain, qui leur était resté de la nuit comme une obsédante image blême gravée dans leur mémoire. Pendant tout leur quart, ils l'avaient vue là-haut, suspendue toute seule, toute ronde, au milieu de l'immense vide bleuâtre. Même, ils avaient été obligés de se cacher le front, pendant leur sommeil, le ventre en l'air à la belle étoile, à cause des maladies et maléfices qu'elle jette sur les yeux des matelots, lorsque ceux-ci s'endorment sous son regard. Ils étaient là quelques-uns qui conservaient toujours et quand même un grand air de noblesse, je ne sais quoi de superbe dans l'expression et la tournure, et le contraste était singulier entre leur aspect et les choses naïves qu'ils faisaient. Il y avait Jean Barada, le sceptique de cette compagnie, qui lançait de temps à autre dans la discussion l'éclat mordant de son rire, montrant ses dents blanches toujours, et renversant sa belle tête en arrière. Il y avait Clet Kerzulek, un breton de l'île d'Ouessant, qui se préoccupait surtout de ses traits humains estompés sur ce disque pâle. Et puis le grand Barazer, qui jouait le sérieux et l'érudit, le rassurant que c'était un monde beaucoup plus grand que le nôtre et dans lequel vivaient des peuples étranges. Eux secouaient la tête incrédule, et Yves disait, très songeur, « Tout ça, c'est des choses, vois-tu, Barazer, dans lesquelles je crois que tu ne connais pas beaucoup. » Et puis il ajoutait, d'un air qui tranchait la discussion, que d'ailleurs il allait venir me trouver et se faire bien expliquer ce qu'était que la lune. Après il reviendrait le leur apprendre à tous. Nul doute en effet que je ne fusse très au courant des choses de la lune comme de tout le reste. D'abord on m'avait souvent vu occupé à la regarder marcher à travers un instrument de cuivre en compagnie d'un timonier, qui me contait tout haut d'une voix monotone d'horloge les minutes et les secondes tranquilles de la nuit. Cependant les petits mouchoirs séchaient sur les dos nus des jeunes hommes, et le soleil montait dans le grand ciel bleu. Il y en avait de ces petits mouchoirs, qui étaient tout uniment blancs, d'autres qui avaient des dessins de plusieurs couleurs, et même qui portaient de beaux navires, imprimés au milieu dans des cadres rouges. Moi, qui étais de quart, je commandais. À larguer le ris de chasse. Et le maître d'équipage fit irruption au milieu des causeurs en sifflant dans son sifflet d'argent. Alors, brusquement, en un clin d'œil, comme une bande de chats sur lesquels on a lancé un dogue, ils se dispersèrent tous en courant dans la mâture. Yves habitait là-haut, dans sa hune. En regardant en l'air, on était sûr de voir sa silhouette large et svelte sur le ciel. Mais on le rencontrait rarement en bas. C'est moi qui montais de temps en temps lui faire visite, bien que mon service ne m'y obligeât plus depuis que j'avais franchi le grade de midship. Mais j'aimais assez ce domaine d'Yves, où on était éventé par un air encore plus pur. Dans cette hune, il avait ses petites affaires, un jeu de cartes dans une boîte, du fil et des aiguilles pour coudre, des bananes volées, des salades prises la nuit dans les réserves du commandant, tout ce qu'il pouvait ramasser de frais et de verre dans ses maraudes nocturnes. Les matelots sont friands de ces choses rares qui guérissent les gencives fatiguées par le sel. Et puis, il avait sa perruche attachée par une patte et fermant sous le soleil ses yeux clignotants. Sa perruche était un hibou à grosse tête des pampas, tombé un jour à bord à la suite d'un grand vent. Il y a de bizarres destinées sur la terre, ainsi celle de ce hibou faisant le tour du monde en haut d'un mât. Quel sort inattendu! Il connaissait son maître et le saluait par de petits battements d'ailes joyeux. Yves lui faisait régulièrement manger sa propre ration de viande, ce qui pourtant ne l'empêchait pas d'élargir. Cela l'amusait beaucoup, en le regardant de tout près, dans les yeux, de le voir se retirer, se cambrer d'un air de dignité offensé, en dodelinant de la tête avec un tic d'ours. Alors il était pris de fou rire, et lui disait avec son accent breton « Oh, mec, comme tu as l'air bête, ma pauvre perruche !» De là-haut, on dominait comme de très loin le pont de la Sibylle, une Sibylle aplatie, fuyante, très drôle à regarder de ce domaine d'Yves, ayant l'air d'une espèce de long poisson de bois, dont la couleur de sapin neuf tranchait sur les bleus profonds infinis de la mer. Et dans tous ces bleus transparents, au milieu du sillage, derrière une petite chose grise, ayant la même forme que le navire, et le suivant toujours entre deux eaux, le requin. Il y a toujours un requin qui suit, rarement deux. Seulement, quand on l'a pêché, il en vient un autre. Il suit pendant des nuits et des jours. Il suit sans se lasser, pour manger tout ce qui tombe. Débris quelconques, hommes vivants ou hommes morts. De temps en temps, il y avait de toutes petites hirondelles, qui venaient aussi nous faire cortège pour s'amuser, par caprice, picorant les miettes de biscuits que nous semions derrière nous, dans ce désert d'eau, et puis disparaissant au loin en décrivant des courbes joyeuses. Petites bêtes d'une espèce rare, de couleur rousse à queue blanche, qui vivent on ne sait comment, perdues au milieu des grandes eaux, toujours au plus large des mers. Yves, qui en voulait une, leur tendait des pièges, mais elles, très fines, ne venaient pas s'y prendre. Nous approchions de l'équateur, et le souffle régulier de l'Alizée commençait à mourir. C'était maintenant des brises folles qui changeaient, et puis des instants de calme, où tout s'immobilisait dans une sorte d'immense resplendissement bleu. Et alors on voyait les vergues, les unes, les grandes voiles blanches dessinées dans l'eau, des commencements d'images renversées qui ondulaient. La Sibylle ne marchait plus. Elle était lente et paresseuse. Elle avait des mouvements de quelqu'un qui s'endort. Dans la grande chaleur humide, que les nuits mêmes ne diminuaient plus, les choses comme les hommes se sentaient prises de sommeil. Peu à peu, il se faisait dans l'air des tranquillités étranges. Et maintenant, des nuées lourdes, obscures, se traînaient sur la mer chaude, comme de grands rideaux noirs. L'équateur était tout près. Quelquefois, des troupes d'hirondelles, de grande taille celles-ci, et d'allures bizarres, surgissaient tout à coup de la mer, prenaient un vol effaré, avec de longues ailes pointues d'un bleu luisant, et puis retombaient, et on ne les voyait plus. C'étaient des bancs de poissons volants qui s'étaient heurtés à nous et que nous avions réveillés. Les voiles, les cordages pendaient inertes, comme choses mortes. Nous flottions sans vie comme une épave. En haut, dans le domaine d'Yves, on sentait encore des mouvements lents qui n'étaient plus perceptibles en bas. Dans ces terres immobiles et saturées de rayons, la hune continuait de se balancer avec une régularité tranquille qui portait à dormir. C'étaient de longues oscillations molles qu'accompagnaient toujours les mêmes frôlements des voiles pendantes, les mêmes crissements des bois secs. Il faisait chaud, chaud, et la lumière avait une splendeur surprenante, et la mer morne était d'un bleu laiteux, d'une couleur de turquoise fondu. Mais quand les grosses nuées étranges, qui voyageaient tout en bas à toucher les eaux, passaient sur nous, elles nous apportaient la nuit et nous inondaient d'une pluie de déluge. Maintenant, nous étions tout à fait sous l'équateur, et il semblait qu'il n'y eût plus un souffle dans l'air pour nous en faire partir. Cela durait des heures, quelquefois tout un jour, ces obscurités et ces pluies lourdes. Alors, Yves et ses amis prenaient une tenue qu'ils appelaient tenue de sauvage, et puis s'asseyaient insouciants sous l'onde chaude et laissaient pleuvoir. Cela finissait toujours tout d'un coup. On voyait le rideau noir s'éloigner lentement, continuer sa marche traînante sur la mer couleur de turquoise, et la lumière splendide reparaissait plus étonnante après ces ténèbres. Et le grand soleil équatorial buvait très vite toute cette eau tombée sur nous. Les voiles, les bois du navire, les tentes retrouvaient leur blancheur sous ce soleil. Toute la Sibylle reprenait sa couleur claire, de choses sèches, au milieu de la grande monotonie bleue qui s'étendait alentour. De la hune où Yves habitait, on regardait en bas. On voyait que ce monde bleu était sans limite. C'était des profondeurs limpides qui ne finissaient plus. On sentait bien combien c'était loin. Cet horizon, cette dernière ligne des eaux, bien que ce fût toujours la même chose, que de près, toujours la même netteté, toujours la même couleur, toujours le même poli de miroir. Et on avait conscience alors de la courbure de la terre, qui seule empêchait de voir au-delà. Aux heures où se couchait le soleil, il y avait en l'air des espèces de voûtes formées par des successions de tout petits nuages d'or. Leurs perspectives fuyantes s'en allaient en diminuant, se perdre dans les lointains du vide. On les suivait jusqu'au vertige. C'était comme des nefs de temples apocalyptiques n'ayant pas de fin. Et tout était si pur qu'il fallait l'horizon de la mer pour arrêter la vue de ces profondeurs du ciel. Les derniers petits nuages d'or venaient tangenter la ligne des eaux et semblaient, dans l'éloignement, aussi minces que des hachures. Ou bien, quelquefois, c'était simplement de longues bandes qui traversaient l'air, or sur or, les nuages d'un or clair et comme incandescent, sur un fond byzantin d'or mat et terni. La mer prenait là-dessous une certaine nuance bleu pan, avec des reflets de métal chaud. Ensuite, tout cela s'éteignait très vite dans des limpidités profondes, dans des couleurs d'ombre auxquelles on ne savait plus donner de nom. Et les nuits qui venaient après, les nuits mêmes, étaient lumineuses. Quand tout s'était endormi dans des immobilités lourdes, dans des silences morts, les étoiles apparaissaient en haut plus éclatantes que dans aucune autre région du monde. Et la mer aussi éclairait par en dessous. Il y avait une sorte d'immense lueur diffuse dans les eaux. Leurs mouvements les plus légers, le navire dans sa marche lente, le requin se retournant derrière, dégageaient dans les remous tièdes des clartés couleur de vert luisant. Et puis, sur le grand miroir phosphorescent de la mer, il y avait des milliers de flammes folles. C'était comme des petites lampes qui s'allumaient d'elles-mêmes partout, mystérieuses, brûlaient quelques secondes et puis mouraient. Ces nuits étaient pâmées de chaleur, pleines de phosphore, et toute cette immensité éteinte couvait de la lumière, et toutes ces eaux enfermaient de la vie latente à l'état rudimentaire, comme jadis les eaux mornes du monde primitif. Chapitre 12. Il y avait quelques jours que nous avions quitté ces tranquillités de l'équateur et nous filions doucement vers le sud, poussés par la lisée australe. Un matin, Yves entra très affairé dans ma chambre pour préparer ses lignes à prendre les oiseaux. On avait vu, disait-il, les premiers damiers derrière. Ces damiers sont des oiseaux du large, proches parents des goélands. Et les plus jolis de toute cette famille de la mer, d'un blanc de neige, les plumes douces et soyeuses, avec un damier noir finement dessiné sur les ailes. Les premiers damiers, c'était déjà un grand éloignement, qu'indique leur seule présence, signe qu'on a laissé bien derrière soi notre hémisphère boréal, et qu'on arrive aux régions froides, qui sont sur l'autre versant du monde, là-bas, vers le sud. Ils étaient en avance pourtant, ces damiers-là, car nous naviguions encore dans la zone bleue des alizés, et c'était tous les jours, toutes les nuits, le même souffle régulier, tiède, exquis à respirer, et la même mer transparente, et les mêmes petits nuages blancs, moutonnés, passant tranquillement sur le ciel profond, et les mêmes bandes de poissons volant, s'enlevant comme des fous avec leurs longues ailes humides, et brillant au soleil comme des oiseaux d'acier bleuis. Il y en avait des quantités de ces poissons volants, et quand ils s'en trouvaient d'assez étourdis pour s'abattre à bord, vite les gabiers leur coupaient les ailes et les mangeaient. l'Urquiv affectionnait pour descendre de sa hune et venir rendre visite à ma chambre, c'était le soir, au moment surtout où les appels et le branle-bas venaient de finir. Il arrivait tout doucement, sans faire avec ses pieds nus plus de bruit qu'un chat. Il buvait à même un peu d'eau douce dans une gargoulette, à rafraîchir qui s'était pendue à son sabord, et puis il mettait en ordre diverses choses qui m'appartenaient, ou bien lisait quelques romans. Il y en avait un surtout de George Sand qui le passionnait, le marquis de Villemer. À première lecture, je l'avais surpris près de pleurer vers la fin. Yves savait coudre très habilement, comme tous les bons matelots, et c'était drôle de le voir se livrer à ce travail, étant donné son aspect et sa tournure. Dans sa visite du soir, il lui arrivait de passer en revue mes vêtements de bord et d'y faire des réparations, qu'il jugeait mon domestique incapable d'exécuter comme il convenait.